Exercice 4. Jeu de vocabulaire. Tu peux me donner 5 noms d'objets de la salle de bain? Oui, alors, serviette, tube de dentifrice... Avec un ou une, s'il te plaît. D'accord. Une serviette, un tube de dentifrice, un lavabo, une baignoire, un miroir. Super! Et maintenant, 5 objets de la cuisine? Alors, un couteau, un verre, une assiette, une fourchette, une bouteille. Bravo!